Chapitre 8. Jésus descendit de la colline, et de grandes foules le suivirent. Alors un lépreux s'approcha, se mit à genoux devant lui et dit, « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui déclara, « Écoute bien, ne parle de cela à personne, mais va montrer au prêtre comment tu es, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un capitaine romain s'approcha de lui et lui demanda son aide. « Maître, mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé et souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Mais le capitaine répondit, « Maître, je ne mérite pas que tu entres dans ma maison, mais donne seulement un ordre, et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, « Va, et il va. » À un autre, « Viens, et il vient. » Et je dis à mon serviteur, « Fais ceci, et il le fait. » Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le déclare, en vérité, je n'ai jamais trouvé une telle foi chez qui que ce soit en Israël. Je vous affirme que beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, et prendront place à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui devaient appartenir au royaume seront jetés dehors dans l'obscurité, où ils pleureront et grinceront des dents. » Puis Jésus dit au capitaine, « Va chez toi, ce que tu as cru te sera accordé. » Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Jésus se rendit à la maison de Simon-Pierre. Il y trouva la belle-mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Quand le soir fut venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes qui avaient des esprits mauvais. Par sa parole, Jésus chassa ces esprits, et il guérit aussi tous les malades. Il le fit pour que se réalise cette parole du prophète Ésaïe, « Il a pris nos infirmités et nous a déchargés de nos maladies. » Jésus vit la foule autour de lui. Alors il donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un maître de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des terriers, et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher pour se reposer. » Un autre homme, qui était un de ses disciples, lui dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répliqua, « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » Jésus monta dans la barque, et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une si grande tempête s'éleva sur le lac que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui, le réveillèrent et lui dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur répondit Jésus. « Comme votre foi est petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient, « Quel genre d'homme est-ce pour que même les vents et l'eau du lac lui obéissent ?» Quand Jésus arriva de l'autre côté du lac, dans le territoire des Gadaréniens, deux hommes sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ces hommes avaient en eux des esprits mauvais et étaient si dangereux que personne n'osait passer par ce chemin. Ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous punir avant le moment fixé ?» Il y avait, à une certaine distance, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les esprits mauvais adressèrent cette prière à Jésus, « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. »« Allez !» leur dit Jésus. Ils sortirent des deux hommes et s'en allèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau se précipita du haut de la pente dans le lac et s'y noya. Les hommes qui gardaient les ports s'enfuirent. Ils se rendirent dans la ville où ils racontèrent toute l'histoire et ce qui s'était passé pour les deux hommes aux esprits mauvais. Alors tous les habitants de la ville sortirent pour aller à la rencontre de Jésus. Quand ils le virent, ils le prièrent de quitter leur territoire.